de l'idéalité. Une idéalité, un printemps pour aimer, une chose d'importance, enjeu de tempérance. Une idéalité, un jour pour reconnaître le temps de l'idéal, l'enjambement du féal. Une liberté de cœur, une idéalité, un sourire de faïence qui ne devient défiance. Important.